de la cale à prod, mon pote. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel? On lui a radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. Nous sommes au royaume du vent et de la foutaise. Ça c'est le genre d'instru où je pourrais te chanter des balades. Des pop des city stades, mais des lucarnes comme Dybala. J'aurais dû partir pour éviter d'être sur écoute. J'aurais dû te mentir quand je te faisais part de tous mes doutes. Quand tout s'écroule, y'a plus personne sur qui compter. Je les connaissais toutes les excuses qu'il fallait supporter. J'ai su me poser, je crois en l'avenir, même s'il est difficile d'oublier le quartier. Je serai en balade si tu me plébiscites. R2 c'est l'argent qui contrôle le rinté. Et crois-moi c'est lassant comme ces poucaves que je voyais comploter. On hypothèque souvent nos chances quand on écoute que le diable. Resserre un verre, le Doliprane. Chez moi c'est le double jack. On est passé des petits amours aux filles faciles. Le cœur toujours de marbre, ça claque, ça paye sur Viva Street. Ça prend des peines qui t'obligeront à cogiter. J'attends toujours mes RPS, mais leurs promesses n'apparaissent cogitées. L'affaire, le plus important c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. BRR2, l'assassin l'herbe. On porte le poids de peine lourd comme un cercueil. Genre de la reine, regarde comme je suis nerveux. J'acherai comme Harry même si j'ai l'air vieux. BRR2, l'assassin l'herbe. On porte le poids de nos peines lourd comme un cercueil. Genre de la reine, regarde comme je suis nerveux. J'lâcherai comme Harry même si j'ai l'air vieux. Je viens d'une course poursuite avec la marée chaussée hollandaise. Nageant en plein cauchemar, pourtant j'avais jamais fait autant de rêves. Des gros menteurs qui savent faire que des mauvais commentaires. Quand j'étais au placard, j'aurais aimé pouvoir faire Koh-Lantès. Dédicace à Roland et sa femme Maryse. Moi ça me fait marrer, je me balade comme dans un safari. Ça tape la farine, mais pas pour faire des gâteaux ou des crêpes. Ils m'ont tellement freiné, je pouvais plus traîner avec tous ces trades. Nique les tricheurs, j'ai décidé de sortir par la grande porte. J'aime la compétition, il est hors de question que j'abandonne. Je traverse la France espérant laisser mon empreinte. Un peu de BR dans mon caleçon, canette de coca et je monte dans le train. Il faut être prêt à quitter ce monde, oui et non. Ça se discute car y'a pas d'âge pour partir. T'attends pas à des miracles si ton parcours de vie est sombre. Dangereuse est la liaison, l'heure de la mise à jour arrive. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. BRR2, l'assassin l'herbe. On porte le poids de nos peines lourd comme un cercueil. Genre de la reine, regarde comme je suis nerveux. J'lâcherai comme Harry même si j'ai l'air vieux. BRR2, l'assassin l'herbe. On porte le poids de nos peines lourd comme un cercueil. Genre de la reine, regarde comme je suis nerveux. J'lâcherai comme Harry même si j'ai l'air vieux.